bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans le cours de l'histoire. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Le temps poursuit son cours inexorablement. De l'Antiquité à l'actualité, nous nous régalons de l'histoire. Puisque cette semaine, nous parlons du cinéma comme objet historique et comme vecteur d'histoire ou de mémoire, voici un passage obligé dans l'univers cinématographique, la séance de remerciements. Merci, merci à vous toutes et à vous toutes qui suivez le cours de l'histoire de plus en plus nombreux. Plus de 60 émissions depuis la rentrée, près de 150 invités, des historiens, des historiennes bien sûr, mais aussi des auteurs de romans, de bandes dessinées, de documentaires. Et un plaisir incommensurable de laisser la parole pour diffuser les savoirs. Merci aussi pour vos messages sur le groupe Facebook, le cours de l'histoire et sur les réseaux sociaux. Ils font chaud au cœur et je pense que les plus touchants sont ceux qui disent simplement « L'émission était sympa, j'ai appris quelque chose, j'ai compris quelque chose ». Merci à toute l'équipe qui prépare cette émission. Camille André, Marion Dupont, Anne Toscan-Viudès, Alice Rouet, Perret Legras et Thomas Joss qui l'a réalisé. Et bien sûr Anaïs Quien qui assure la programmation du cours de l'histoire. Anaïs Quien avec son journal de l'histoire. Le cours d'une rivière est un écoulement continu, le cours des astres est un mouvement constant. Le temps, lui aussi, poursuit donc son cours inexorablement et c'est un régal. Cette semaine, dans le cours de l'histoire sur France Culture, nous parlons cinéma. Le cinéma à la fois objet historique, vecteur d'histoire et vecteur de mémoire. Des émissions que vous pouvez réécouter sur le site internet Le cours de l'histoire, franceculture.fr ou bien en podcast ou nous rejoindre sur le groupe Facebook Le cours de l'histoire. Et aujourd'hui, à l'occasion du festival du film d'histoire de Pessac, nous recevons deux figures que je suis très heureux d'accueillir sur France Culture, car vous allez nous amener à la fois dans l'histoire du XXe siècle, à la fois dans l'histoire du XXIe siècle, et surtout au Chili. Patricio Guzman, bonjour. Bonjour. Carmen Castillo, bonjour. Bonjour. Dites-moi Carmen Castillo, est-ce que vous pourriez me présenter Patricio Guzman? Qui est-il? Patricio Guzman est un immense réalisateur qui a bâti une œuvre sur la mémoire. Il a toujours dit, un pays, une société peut pas exister sans mémoire, n'existe pas. Son œuvre, depuis la bataille du Chili, le premier rang dont on se souvenait l'autre jour, jusqu'à aujourd'hui, la Cordillère des Anges, crée un Chili, une culture, un imaginaire dont nous avons absolument besoin dans le Chili d'aujourd'hui. Le mot imaginaire a été prononcé, il est très beau, Carmen Castillo. C'est nécessaire aujourd'hui d'avoir de l'imagination, d'imaginer. L'imaginaire qui naît à Santiago et tout au long du Chili aujourd'hui, depuis presque un mois, il est composé justement à la fois de cette mémoire qui a surgi d'une apparence d'amnésie et du vécu, des expériences, de la créativité d'une jeunesse incorrupte, une jeunesse en rébellion qui nous a emportés tous et qui a diffuminé la peur. Carmen Castillo, vous faites des films, vous êtes réalisatrice, vous êtes artiste, Patricio Guzman, mais la même chose, vous êtes réalisateur, et je vais vous demander le même exercice, mais qui est Carmen Castillo? Présentez-la nous, s'il vous plaît. Carmen, c'est une grande écrivaine chilienne, et aussi un cinéaste, les deux choses en même temps, et toujours il a été proche à notre développement politique chilien, et aussi, elle est aussi un testigo, oui. Un témoin. Un témoin de tout notre devenir, de notre vie en général. Toujours Carmen est avec nous dans cette situation, dans ce panorama chilien. Le panorama chilien qui nous a heurtés, nous allons écouter un son d'archives, un son douloureux. Nous nous trouvons en septembre 1973, nous écoutons Interactualité, le journal de 19h. L'armée est donc en train de prendre le pouvoir au Chili. Le coup d'État qui a éclaté est parti de Valparaiso et c'est d'abord la marine qui est entrée en action. Quelques instants plus tard, les armées de terre et de l'air semblaient prêter main forte aux mutins. Les informations, Ralph Pinto, qui parviennent actuellement de Santiago du Chili, sont, il faut le dire, fournies par les radios qui sont aux mains des militaires. Oui, en effet, ces radios proclament aussi que l'armée contrôle la majeure partie du pays, que le président est destitué, que le couvre-feu est décrété, que l'état de siège est également appliqué. Mais il semble bien que du côté du président Allende, retranché dans son palais de la Moneda, on oppose toute résistance possible à ce coup d'État qu'on ne croyait pas possible il y a encore quelques jours. Depuis un peu plus d'une heure, l'armée affirme qu'elle attaque le palais présidentiel après avoir demandé aux carabiniers de se retirer. Cet après-midi, en tout cas, Santiago a vécu des heures dramatiques. Le président Allende s'apprêtait à parler à son pays. Mais au même moment, des chasseurs ont survolé le palais. Quelques instants plus tard, son discours était devenu inaudible. Patricio Guzman, rupture majeure avec ce coup d'État en 1973 au Chili, le coup d'État de Pinochet. Quel était le Chili avant le coup d'État? Vamos en espagnol. En espagnol. En espagnol donc. Allende inició un periodo de transformaciones. Allende, il faut le savoir, avait lancé une période de transformations sociales. Transformation sociale qui ont vraiment touché tout le pays. C'est également une période remplie de joie, de construction et de convivencia con todo el pueblo. Et de vie entre tous les gens du peuple en fait. El país se dividió en dos mitades. Le pays s'est vraiment divisé en deux parties. Y estuvimos hasta el final, et jusqu'à la fin, tratando de ayudar nous avons essayé Allende. D'être le plus proche d'Allende, de l'aider. Pour continuer cette révolution. Una revolución pacífica. Une révolution pacifique, bien évidemment. Qui era estupenda. Qui était magnifique. Il faut préciser ce qu'était le Chili avant le coup d'État pour mesurer l'importance de cette rupture. Allende n'est pas un communiste, il ne veut pas la révolution, il ne veut pas bouleverser. Il veut un pays qui se construise dans la démocratie. Il a fait peur à certaines nations, je pense aux États-Unis notamment, qui craignaient de voir un pays basculer. Nous sommes en 1973 dans un contexte particulier de guerre froide. Sí, era un presidente único en el mundo. Alors c'était un président tout à fait à part, unique au monde, que se qui a essayé de lancer une révolution tout en restant démocratique. Y eso era una cosa muy original. Et c'est quelque chose de tout à fait original. Y muy atractiva. Et merveilleuse. Y ahí estábamos todos, et bien évidemment, nous étions tous à ses côtés. Vous, Carmen Castillo, nous parlons du Chili avant le coup d'État de 1973. Vous nous le présenteriez comment, ce Chili-là? Un Chili, c'est un mot qu'on avait construit avec Patricio. C'était une société en état amoureux. Donc, toute une société en état amoureux. Et nous vivions l'espoir au quotidien. C'était pas pour demain. Et nous vivions la transversalité, la rencontre des classes sociales. Un peuple organisé, une visée stratégique, le socialisme, avec un président qui, unique au monde, comme on vient de le dire, parce qu'il a non seulement gagné les élections, seul cas au monde, par une alliance marxiste qui comprenait les communistes, il a gouverné avec eux, mais il a tenu à rester dans l'institution démocratique. Il n'y a jamais eu, et voilà comment les choses se sont tendues, comment est apparue une stratégie de la bourgeoisie fasciste, comment le coup d'État a été pensé depuis le début par Nixon et le Pentagone, comment nous nous sommes retrouvés après. C'est le seul cas aussi. Il a gagné dans l'institution, la constitution chilienne. 36 et quelques pourcents le menaient au palais, à la Moneda. Mais en mars, malgré les blocages, malgré les pénuries, l'organisation, l'espoir de cette construction, de ce rêve éveillé, a fait que nous avons obtenu 44% des votes. Et à ce moment-là, le diplomate français en place, Loïc Henkin, il dit « le coup d'État est en marche ». En 1973, Carmen Castillo, vous avez réalisé Chili 1973, une ambassade face au coup d'État. Cette année-là, il est présenté au Festival du film d'histoire de Pessac. C'est vrai que nous avons un lieu incroyable. On cite le nom du palais, la Moneda. C'est un nom que l'on connaît parce qu'il s'est passé quelque chose à cet endroit-là de fracassant. C'est un peuple qui est écrasé à travers un homme, son président, Allende. Vous êtes l'un et l'autre témoin, Patricio Guzmán, Carmen Castillo, de ce moment. Patricio Guzmán, si j'évoque l'ambassade du Chili en 1973, quels souvenirs vous reviennent? Vous étiez où à ce moment-là? On parlait du rêve, un rêve de Chili avant le coup d'État. Ce rêve se transforme en cauchemar. Après le coup d'État, nous avons ressenti un sentiment extrêmement violent. C'est un peu comme si tout s'arrêtait. La fin d'une histoire. La moitié du Chili s'est trouvée dans un état complètement de perte, en fait, en perdant ses repères. Il y avait des groupes armés, mais ils étaient peu, nombreux. La majorité des gens sont restés ahuris face à ce qui se passait et ne savaient pas quoi faire. C'était vraiment une sensation de vide qui se présentait à nous. Et ça a duré très longtemps. Cela a été la première fois que le système chilien se trouve confronté à une situation de ce type. Certains d'entre nous, nous nous sommes retrouvés dans le stade national. D'autres sont décédés. Et on ne savait pas quoi faire. C'est une situation tout à fait étrange. Un pays qui, pendant de nombreuses années, a pu défendre un système plus ou moins bon démocratique. Et puis tout à coup, on se retrouve dans une situation qui est proche du vide, quoi, qui est dans un vide absolu. Tous les gens au Chili se sont retrouvés bloqués dans cette situation extrêmement violente, nouvelle. Tout à fait unique aussi, de ne savoir pas quoi faire. Et ce moment-là est un moment de vide, vous l'avez dit, Patricio Guzmán. Ce moment de vide avec ce film que vous aviez peut-être relu avec un regard bien plus postérieur, c'est ce que vous faites, vous, Carmen Castillo, en faisant ce regard d'aujourd'hui sur ce qui s'est passé en 1973, Chili 1973. Ce film est fort, évidemment, c'est un film qui touche parce qu'on est sur un moment dramatique. Nous allons écouter un extrait de ce film sur le après, justement, avec l'évocation d'un personnage magistral, Pablo Neruda. 13 jours après le coup d'État, ces obsèques de Pablo Neruda ont été le premier acte de résistance, en quelque sorte, par rapport à ce régime dictatorial qui venait de s'installer au Chili. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait cette foule aux obsèques de Pablo Neruda, avec l'ambassadeur de France, Pierre de Menton, que l'on voit là. Quelques centaines de militants, bravant la peur, savaient que l'occasion était probablement la dernière où ils pourraient manifester leur fidélité et leur solidarité. Ils tenaient à faire connaître que demeuraient vivantes les grandes idées, la générosité, la justice, la fraternité. Peu d'officiels étaient là. Mes collègues se comptaient sur les doigts d'une main. Le Suédois, le Mexicain et le Roumain étaient avec moi. Carmen Castillo, vous fermez les yeux en écoutant cet extrait de votre film. Expliquez-nous votre démarche pour réaliser Chili 1973, une ambassade face au coup d'État. C'était retrouver des gens, peut-être des sensations, essayer de faire comprendre ce qui s'est passé dans ce lieu-là. La mémoire s'éveille toujours à partir du présent. J'habite maintenant dans l'angle d'arrivée des migrants à Paris. Et dès que je suis arrivée, m'est revenu le temps où j'avais été accueillie en France. Ce temps où Paris et la France nous ouvraient les bras, solidaire, humain. Toutes les possibilités étaient ouvertes pour nous. Et je n'ai pas connu le passage par une ambassade, le refuge. Et je suis rentrée dans cette histoire en ayant dans le cœur et dans la tête l'acte libre, politique, humain, de l'ambassadeur Pierre de Menton et son équipe qui ont décidé d'ouvrir les portes de l'ambassade et la résidence de France malgré la politique de Pompidou vis-à-vis d'Allende. Et cela a transformé tout. C'est vrai, la dictature a gagné. Mais ces hommes, par ces actes de bien, et je pense que le bien est quelque chose de fort, de puissant, que marque la destinée de toutes ces personnes réfugiées qui ont été accueillies et qui n'oublieront jamais qu'à leur tour, ils doivent accueillir d'autres. Le bien n'est pas la compassion, n'est pas la charité. Le bien, c'est de dire « je ne peux pas refuser l'entrée à l'ambassade sous un couvre-feu, sans contact avec Paris ». Eh bien, Bouillon de Lacoste, premier conseiller, à ce moment-là, ouvre la porte à Eugenio Lira, un très grand journaliste chilien qui s'est suicidé en exil. Donc voilà, cette histoire me semblait exemplaire. L'histoire de France croisait l'histoire du Chili, et c'est tout simplement ça, ce film que j'ai pu faire. Et voilà, ça fait du bien les actes de bien quand on est entouré de morts. En l'occurrence, pour ce qui s'est passé au Chili, effectivement, il y a cette notion de violence absolue à l'égard d'un peuple. Ce peuple, c'est le vôtre, à l'un et à l'autre, Carmen Castillo, Patricio Guzmán. Ce peuple et ce pays, moi j'ai beaucoup aimé dans la démarche que vous pouvez faire, Patricio Guzmán, ce pays, la cordillère des songes, ce pays a une colonne vertébrale, cette cordillère des Andes absolument magnifique. C'est un lieu et on sent qu'il y a un attachement à là d'où l'on vient qui est essentiel. Et c'est une manière de porter un regard sur un lieu qui nous fait comprendre que au-delà simplement d'une carte et d'un territoire fermé, il y a de l'humain. Il y a des hommes, il y a des gens qui vivent. Après le coup d'État de 1973, après avoir côtoyer cette violence, Patricio Guzmán. Quel regard peut-on porter sur son pays dans ces années de dictature, ces années difficiles? Comment avez-vous regardé le pays avec votre œil d'artiste, avec votre œil de cinéaste? Bon, pendant des années, il y a une résistance énorme contre Pinochet. Et il y a des mouvements, des gens particuliers, il y a toujours une sensation de continuer esta lucha contra cette Pinochet. Sensation de vouloir continuer cette lutte contre Pinochet. Eso se mantuvo durante 20 años. Et cela a été le cas pendant 20 ans. Y en ese periodo hicimos muchas Et pendant cette période, il y a eu beaucoup de films qui racontaient ce qui se passait. Y siempre tuvimos la, Et la esperanza de on que a toujours se eu cet espoir que cette porte allait s'ouvrir à nouveau. Y lo que está pasando ahora Et ce qui se passe maintenant, c'est tout à fait extraordinaire. C'est un peu l'histoire qui suit son cours. Et nous en sommes très heureux. Nous allons écouter la bande-annonce de votre film, La Cordillère des Songes, qui est en soi un voyage. Cada vez que paso encima de la cordillera, yo siento que estoy llegando al país de mi infancia. La ciudad que estoy viendo no la reconozco. Mi mirada se ha vuelto hacia las montañas. Tal vez son la puerta de entrada que me ayudará a comprender el Chile de hoy. El golpe fue el temblor de tierra más fuerte que cambió nuestras vidas para siempre. Durante todo el tiempo de la dictadura, la cordillera ha permanecido en su lugar. Patricio Guzmán, nous entendons la bande-annonce de votre film La Cordillère des Songes. Il y a une voix extrêmement douce. On entend parler du coup d'État, el golpe. il y a plein de moyens de lutter, de manifester contre une dictature. Vous, vous avez fait un choix artistique. Je ne parle même pas des images. Nous sommes à la radio, mais j'ai presque envie de dire qu'on voit les images à la radio quand on entend ce son-là. Quelle était votre démarche pour montrer l'horreur qu'a été cette dictature? Une démarche artistique en montrant la beauté. On est toujours sur des lieux, mais cette fois-ci, c'est la beauté du pays, la beauté de la cordillère, des paysages. Es una manera de hablar de lo más terrible suavemente. C'est une façon, en tout en douceur, de parler d'événements terribles. De una manera suave. Douce. De una manera tranquila. Tranquille. Es la mejor manera de. Je crois que c'est la meilleure façon d'aborder et de présenter cela au public. C'est vrai que dans vos autres films, hein, Nostalgie de la lumière, Le bouton de nacre, nous sommes également sur cette lecture-là, une certaine forme de douceur face à la violence. Mais en tant que Chilien, en regardant son propre pays, il y a quelque chose dans la chair qui fait mal et qui donne envie de se révolter. Cette révolte est douce, mais le Chili est un pays de poètes, il y a Pablo Neruda, c'est un pays d'amour. Dans cette lecture que l'on peut avoir sur la manière de raconter une période difficile, il y a plein de voies possibles. Il y a ces voies du cinéma que vous avez choisi l'un et l'autre en faisant ces films-là. Je pense à vous, par exemple, Carmen Castillo, avec La rue Santa Fe. C'était il y a quelques années. Nous étions également dans une manière de raconter d'un lieu un pays, de raconter un pays pour comprendre en quoi il peut souffrir. On ne se contente pas de raconter de manière factuelle et politique la dictature, on raconte aussi le pays. Qui sont ces gens? C'est toujours nos regards subjectifs, puisque la mémoire, on la crée, c'est une création. Mais je pense aussi que l'histoire est une création. C'est Chris Marker qui disait, on ne se souvient pas, on construit la mémoire comme on construit l'histoire, non? Donc ce point de départ subjectif, pour Patricio Lacordillère aujourd'hui, et à chaque moment, c'est cette nature, cette force dans chacun de ses films, pour moi, la maison de la rue Santa Fe, c'est le lieu où ma vie de femme libre, amoureuse, s'est arrêtée, a été coupée. Et donc, la maison est un personnage, je pense, dans ce film choral, où j'ai voulu raconter l'engagement politique d'une génération, la joie de cet engagement, le prix à payer dans nos enfants, et puis ouvrir vers l'aujourd'hui, en me disant qu'il fallait détruire toute nostalgie pour laisser fluir de la mémoire l'émancipation possible du futur. Donc il y a ce moment avec les jeunes et cette histoire de comment le corps, des corps habités par des souvenirs qui ne vieillissent pas, qui émergent comme on a dû par des rencontres. Dans le cas de Rue Santa Fe, c'est aussi le geste de bien de Manuel, mon voisin, qui m'a sauvé la vie, qui va enclencher le désir d'aller chercher qu'est-ce qui soutient l'engagement politique. Pourquoi on s'engage, malgré tout. Et au Chili, l'engagement politique se fait en chanson. Nous allons écouter un extrait, justement, Carmen Castillo de Rue Santa Fe. Écoutez, ça chante. Lucidité et ferveur dans ces temps-là. Un devenir en train de se faire dans les campagnes, les usines, les campus, les écoles et les poblaciones. Ces bidonvilles devenues des quartiers populaires organisés et dignes. Un songe épais, âpre quelquefois, comme les véritables rêves éveillés. Je me souviens de Salvador Allende, un homme qui aimait tout de la vie, les plaisirs et les obstacles. Il n'esquivait ni l'amour ni la lutte. Il avait des gestes fins et un courage exceptionnel. Son sens de l'humour nous ravissait. Un extrait de Rue Santa Fe, El Pueblo Unido Ramacera Vencido, qui tout de suite provoque des frissons obligatoires, parce que à écouter une chanson comme ça, nous sentons la foule, la contestation. Et pourtant, paradoxalement, l'exilé est seul. Par exemple, Patricio Guzmán, quand vous êtes exilé, il y a toujours ce déchirement dans le statut de l'exilé, avec la volonté de participer. Cette volonté de participer, ça explique aussi le fait de réaliser des films pour parler au plus grand nombre. Si, todo el tiempo yo me sentí apoyado por mi propia obra. Je me suis toujours senti appuyé par cette œuvre que je construis. Et par l'œuvre de Carmen aussi. Et puis d'autres personnes qui ont continué à filmer. Je ne me suis jamais senti éloigné ou isolé du Chili, même si je vis à l'extérieur du pays. Parce qu'il y avait cette ambition, cette idée concrète, pour aider et pour être avec ces gens, ces Chiliens. Peu importe l'endroit où l'on vit, l'important c'est de savoir clairement ce que tu penses. Et toute cette période a été pour nous une période de construction, d'aide, de collaboration. Je ne me suis jamais senti perdu ou isolé. Je vous posais cette question parce que dans la Cordillère des Songes, c'est vrai que il y a l'évocation d'être seul. Il y a cette évocation-là. Patricio Guzmán, nous allons écouter un extrait. La Cordillère des Songes, un regard toujours sur cette Cordillère des Andes, colonne vertébrale du Chili. Nunca he hablado de la soledad que me acompaña desde aquel 11 de septiembre de 1973. Je n'ai jamais parlé de la solitude qui m'accompagne depuis ce 11 septembre 1973. C'est une sorte d'angoisse cachée, comme si sous mes pieds, quelque chose s'était effondré, comme s'il y avait eu un tremblement de terre. Cela fait 46 ans que j'ai quitté mon pays. Pendant tout ce temps, j'ai fait 12 films sur le Chili. J'ai vécu plus de temps à l'étranger que dans mon pays. Je me suis habitué à faire des films à distance. Dans les pays où j'ai vécu, dont l'Espagne et la France, le dialogue avec les cinéastes m'a toujours motivé. Mais je me suis toujours senti seul et j'ai toujours travaillé isolé, au milieu de la vie quotidienne. Dans mon âme, la fumée de ma maison détruite ne s'est jamais dissipée. J'aimerais, si cela était possible, la reconstruire et tout recommencer. Me gustaría, si fuera posible, reconstruirla y empezar de nuevo. Patricio Guzmán, un extrait de La Cordillère des Songes. Restons encore sur un lieu. Quelle est cette maison que vous évoquez dans votre film? Es una casa que está en Santiago. C'est une maison qui se trouve à Santiago, donde yo viví cuando où j'ai vécu petit. Et pour moi, cela a toujours été un lieu de rencontre. Chaque fois que je vais au Chili, je passe devant. Mais la maison est un peu délabrée. Et aller à cette maison, c'est retrouver des souvenirs. Mais c'est tout. C'est une façon de sentirse adentro de se sentir, de revenir à son enfance, à mon enfance. Et c'est quelque chose que j'apprécie tout particulièrement. Il y a quelque chose lié à nos vécus autour de toutes ces histoires. Au-delà du coup d'État, au-delà de l'histoire du Chili, il y a cet aspect de temps, de relation à un passé disparu, les ruines de votre enfance, vous dites Patricio Guzmán, ces ruines de cette enfance vous conduisent au Chili, nous conduisent au Chili à travers vos films de l'un et l'autre, les vôtres Patricio Guzmán, les vôtres Carmen Castillo, et nous allons faire un tour au Chili à travers, une fois encore, la chanson, c'est Camila Moreno qui chante Millones. France Culture, le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Atlántica tras Andina, una vida se apaga porque le estorba. Camilla Moreno qui chante dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Perret Legras avec aujourd'hui à la technique Théo Gomard et pour la traduction, la voix espagnole, c'est Paloma Goulemeau. Merci beaucoup. Dites-moi, Carmen Castillo, quand vous avez entendu tout de suite Camilla Moreno chanter, vous avez dit oh, formidable. Camilla, comme Anna Tijoux, aujourd'hui ont éveillé la mémoire du Chili. Elles ont été porte-parole partout, dans tous les quartiers populaires, avec leurs chansons, en ramenant la voix, les sons de cette mémoire sans laquelle il n'y a pas de sortie de crise au Chili aujourd'hui. La présence, l'esprit de Salvador Allende, de Miguel Enrique, de tous nos morts, a envahi les rues, les murs d'un Santiago qui exprime cette créativité qui, malgré l'écrasement, malgré l'amnésie du système néolibéral imposé, ne fait qu'une chose, rappeler que l'égalité se vit au présent. Elle en prend conscience de l'égalité et on agit. On ne la demande pas. C'est ça qui est en train de se passer et ça, c'est ce que l'histoire apporte toujours pour dessiner l'avenir. Et ce que le cinéma également apporte pour dessiner l'avenir, Patricio Guzman, vous faites des films, mais non pas pour faire des films d'archives, pour raconter le Chili, vous faites des films pour parler au présent. Et c'est la même démarche de dire « je veux véhiculer la mémoire pour comprendre le présent ». No se me ocurre hacer otro tipo de películas. Je n'aurais pas une idée de faire un autre genre de film. Desde el mismo día de, l'autre día del golpe de Estado. Le coup d'État. Hace 40 años. Il y a donc 40 ans. Et nunca hemos abandonado. Jamais nous n'avons abandonné cette mémoire historique. Con Carmen y con otros, avec Carmen, mais aussi avec d'autres réalisateurs chiliens. Nous sommes un groupe qui jamais n'oubliera ce qui s'est passé. Et nous continuerons à construire cette réalité dans l'avenir. Jamais nous n'avons perdu notre optimisme. Vous avez un sourire en disant cela. Je vois votre sourire. Il est... Non, mais il est magnifique parce que le sujet est difficile vu que c'est le Chili, c'est votre pays. Et puis, quand vous parlez du Chili, vous êtes sur ces lieux et ces paysages que l'on voit dans les films qui sont magnifiques ou des lieux difficiles, l'ambassade ou le palais, la Moneda, un lieu de traumatisme. Quand vous vivez tout cela, il y a une mémoire à véhiculer. Mais vous-même, quelle relation entretenez-vous avec ces lieux-là? Est-ce que quand vous les revoyez, vous arrivez à quitter la souffrance de ce qu'ont été ces événements, le coup d'État, les années de dictature et la difficulté aujourd'hui pour penser le Chili non pas comme un pays fantasmé, comme un idéal. Nous avons parlé tout à l'heure du Chili d'Allende, d'avant le coup d'État. Est-ce que ce Chili-là, vous vous dites non, je ne le fantasme pas, je veux retrouver ou construire un nouveau Chili tel qu'il doit être. Carmen Castillo, vous le fantasmez pas, ce Chili-là, il est à portée de main. Il est en train de devenir. Nous vivons aujourd'hui, on ne sait pas, chaque jour est un jour inattendu d'une mobilisation, d'une créativité, d'une conscience politique, d'une rencontre entre les quartiers populaires, les classes moyennes, qui disent au monde entier, basta, basta du modèle de l'argent, de la marchandise, de simulacre de démocratie. Donc, ce Chili m'a donné aujourd'hui une inquiétude, bien sûr, parce que la répression, l'armée, ils sont là. Mais l'humanité, elle porte en elle ce besoin absolu de liberté, égalité, fraternité. Ces trois mots français de la Révolution française, ils sont incarnés chez une société qui, 85% de la population du Chili, veut une assemblée constituante et rien d'autre. On verra. On verra, Carmen Castillo. Effectivement, le Chili est un pays qui est un de ces cœurs que l'on observe et qui, en fait, sont écho à l'ensemble du monde, aux questionnements qui se posent partout. Nous sommes sur des questions universelles et des questions, vous parlez d'égalité, de liberté, de fraternité et même de reconstruction. Il y a cette idée de reconstruire quelque chose. Patricio Guzman, c'est au cœur, en fait, de votre réflexion, notamment dans ce dernier film, La Cordillère des Songes. Reconstruire quelque chose, il y a cette évocation de la maison qui est un peu une métaphore. Il y a la cordillère, il y a le pays, les paysages qui sont là, qui sont solides, qui ont tout vu, qui ont été des refuges également. Mais c'est une volonté de reconstruire, sans oublier le passé, au contraire, mais rebâtir. Vous aussi, vous pensez que tout est possible. Il n'y a pas de désespoir, en fait, dans vos films. Je pense qu'il faut juste donner du temps. Et ce processus d'ouverture va suivre son cours. Il est bien évident que le pays va retrouver une solution. Et comme Carmen, je dirais que c'est juste du temps. Il faut du temps pour voir jusqu'où nous pouvons arriver. Mais quoi qu'il arrive, on va continuer. C'est une lutte, c'est un combat qui n'a pas d'horizon, qui n'a pas de fin, qui est pour toujours. Il faut du temps, dites-vous, Patricio Guzman. Il faut du temps, mais ce n'est pas du temps à partir d'aujourd'hui jusqu'au futur. Ce temps-là commence derrière nous, il y a très longtemps. Ce temps-là nécessite de prendre en compte ce qui s'est passé et ceux qui ont combattu par le passé. Je voudrais qu'on écoute des notes émouvantes que nous allons entendre. C'est Victor Jara, El derecho de vivir en paz, le droit de vivre en paix. El derecho de vivir, poeta Ho Chi Minh, que golpea de Vietnam a toda la humanidad, ningún cañón borrará el surco de tu arrozal, el derecho de China es el lugar más allá del ancho mar donde revientan la flor con genocidio y napalm. La luna es una explosión que funde todo el clamor, el derecho de vivir en paz. Victor Jara, el derecho de vivir en paz. Dites-nous, Carmen Castillo, cette figure de Victor Jara, est-ce que vous pouvez nous la présenter? Victor, un immense artiste, poète, musicien, compositeur, voilà, on a entendu cette chanson. Il a été arrêté, on a coupé ses mains, son cadavre est apparu. Sa veuve, Joanne, a créé aujourd'hui une fondation qui rassemble des milliers et des milliers de personnes. Victor n'a jamais été effacé. Malgré l'amnésie imposée au Chili par des gouvernements démocratiques qui ont tout fait pour qu'on oublie, qui ont tout fait pour que Victor Allende, Miguel, les autres disparaissent de nos mémoires. Eh ben non, ils sont là, ils sont dans le peuple chilien. Et aujourd'hui, cette chanson, vous l'écoutez partout. il y a les camions, les musiciens avec les baffles, les anciens groupes qui chantent et remasterisent avec justement Camila Moreno et d'autres cette chanson avec les mots d'aujourd'hui. Hein, le droit de vivre en paix, en dignité, en justice sociale. Ben Victor, et vous savez, les morts, ils ne restent jamais là où on les a enterrés. Et aujourd'hui, ils sont partout. Ces morts ne restent jamais là où on les a enterrés. C'est l'esprit de l'histoire. C'est ce que dit Walter Benjamin. C'est la mémoire des vaincus qui nourrit les combats d'aujourd'hui. Et ça, ben voilà, l'histoire est comme ça. L'imprévisible arrive toujours. Magnifique regard, Carmen Castillo, d'un moment atroce où Victor Jara se fait torturer, les doigts coupés pour un guitariste, se fait tuer. Et cela peut être relu comme un mouvement général de reprise en main par le peuple lui-même d'une espérance. Patricio Guzman, c'est la même chose chez vous. Nous évoquons le coup d'État au Chili en 1973, nous évoquons la dictature, les tortures, les blessures, et vous donnez dans vos films un regard sublime. Vous avez une image que vous nous offrez sublime sur votre pays. Est-ce que ces cicatrices du coup d'État sont effacées? Est-ce qu'aujourd'hui la page est tournée? Est-ce que quelque chose a changé? Est-ce que la douleur du coup d'État est toujours là? Est-ce qu'il est possible de tourner la page? Non, la página no se puede. Non. No se puede olvidar. On ne peut pas tourner la page, on ne peut pas l'oublier. Nosotros somos optimistas, pero, nous restons optimistes. Pero tenemos siempre mais dolor de ese il y a toujours d'état. Cette douleur liée au coup d'État. Fue terrible. Cela a été terrible. Un momento insólito. Un moment à part. Fue un momento en que se nos trató de, un moment de eliminar où on a nosotros. Essayé de tous nous éliminer. Hemos visto cómo muchos amigos murieron. Nous avons vu nombreux de nos amis mourir. Vimos cómo el país entero se destruyó. Nous avons vu comment le pays était détruit dans sa totalité. Nunca olvidaremos ese golpe. Jamais nous n'oublierons ce coup d'État. A pesar de ello, et malgré tout, seguimos adelante. Nous continuons à avancer. Pero no olvidamos nada. Mais nous n'oublions rien. Todo lo contrario. Tout au contraire. Et vous avez parfaitement raison de rien oublier, car l'actualité fait écho au passé. Nous écoutons France 24 le 12 novembre 2019. Ils sont de nouveau dans la rue pour maintenir la pression sur le gouvernement. Leur principale revendication a été entendue, mais les manifestants ne comptent pas s'arrêter là. Nous demandons une assemblée constitutionnelle pour pouvoir participer au changement social, pas seulement être spectateur et choisir ceux qui nous représentent. Nous voulons que la société participe à cette transformation. Dimanche, le gouvernement a annoncé qu'il acceptait de changer la constitution héritée de la dictature de Pinochet. Parmi les modifications envisagées, une meilleure définition des droits de la personne et les modalités pour les faire respecter. Autre amendement envisagé, l'établissement de meilleurs mécanismes de participation citoyenne. Nous avons convenu de commencer le chemin, le processus, de progresser vers une nouvelle constitution. Nous comprenons que c'est un travail qui doit être fait en pensant toujours au pays et surtout en tant que base pour pouvoir reconstruire le pacte sociétal. Il est encore question de reconstruction, sans cesse reconstruction. Carmen Castillo, Patricio Guzman, ce qui se passe actuellement au Chili, évidemment, vous ne pouvez pas faire autrement, fait penser à tous ces mouvements de lutte qui ont existé pendant la dictature, parce que la lutte ne s'est jamais arrêtée, et cette lutte-là ressurgit. C'est ainsi que vous lisez ce qui se passe au Chili actuellement? Oui, vamos a seguir haciendo películas. On va continuer à faire des films. Escribir ensayos. Écrire des scénarios. Para seguir ou des essais pour continuer à aider et à maintenir la flamme de ce combat qui commence, qui débute au Chili. Nuestra vida es eso. Notre vie, c'est tout ça. Siempre ha sido así. Et ça a toujours été comme ça. Carmen Castillo, vous prenez vous aussi cette flamme pour continuer le combat? Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui? C'est effectivement la longue lutte des grands mouvements sociaux qui n'ont jamais été entendus. C'est le mouvement social, comme raconte la Cordillère des Songes avec le travail de Pablo Sala qui filme, qui a mené à la fin de la dictature. Mais qu'est-ce qui est venu après? Une démocratie négociée qui n'a jamais changé la Constitution. Et pendant 30 ans, ce simulacre de démocratie, voilà le ventre ouvert. Qu'est-ce qu'il a produit au Chili ? Une société cruelle, injuste. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Les souffrances, la conscience politique est issue de la persistance, l'obstination de constellations de mouvements pour la justice de retraite, pour la santé, pour l'éducation, pour l'eau. Vous voyez un pays entièrement privatisé. Donc c'est le modèle parfait du néolibéralisme qu'on nous a imposé par un coup d'État. Un choc. Et voilà. Mais aujourd'hui, la jeunesse des quartiers populaires, elle n'a pas peur. Et nous vivons tous au Chili aujourd'hui les places, les quartiers, les hôpitaux, les écoles, les universités, les ports, les mines, en rassemblement populaire, en train d'étudier comment construire et bâtir une nouvelle constitution à partir de la base. Et qu'est-ce qui fait le pouvoir ? Le pouvoir est aveugle, il n'a rien vu, parce qu'il ne voit rien du local, il vit en ghetto. Maintenant je suis inquiète, parce que la violation des droits de l'homme au Chili est gravissime. Nous avons 5000 détenus, nous avons 2000 blessés, nous avons 200 jeunes hommes et femmes qui n'ont pas d'œil, parce qu'on a tiré les flashballs au visage. Nous avons une police dans les rues, des forces spéciales qui tuent, qui veulent réprimer. Et nous voyons, nous, notre génération, un pays qui n'a pas peur. Ils ont tellement fait de la vie des gens une souffrance quotidienne que la peur a disparu. Et tout ça s'inscrit sur le temps long de l'histoire du Chili. C'est intéressant de regarder vos films à l'un et à l'autre. Chili 1973, une ambassade face au coup d'État. Ça, c'est votre film, Carmen Castillo. Et puis, La Cordillère des songes. Mais on pourrait regarder l'ensemble, et notamment cette trilogie Nostalgie de la lumière et Le bouton de nacre. Ce sont vos films, Patricio Guzmán. Parce que pour comprendre un mouvement social d'aujourd'hui, un mouvement de contestation, il faut l'inscrire dans le temps long, ça ne surgit pas comme ça. Non. Merci beaucoup à vous deux. Merci. Dans le cours de l'histoire sur France Culture, il est l'heure de retrouver Anaïs Quien. Anaïs, pour son journal de l'histoire. Anaïs, bonjour. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous. Dans le journal de l'histoire aujourd'hui, on lève le nez pour scruter les plafonds. Moi, je vois pas grand-chose. Vous allez voir. Sur la plateforme Mondes Sociaux, dans la rubrique Films du Week-end, on vous propose entre autres un documentaire du CNRS, Les Maisons aux images du Moyen-Âge, réalisé par Claude Delay, où s'exprime d'abord la joie des historiens. Parce qu'on trouve encore et toujours en histoire, et c'est très bien comme ça. Pierre-Olivier Dittmar. Depuis quelques années, on découvre des centaines, voire des milliers d'images complètement inédites qui bouleversent complètement notre compréhension. Donc c'est un sentiment jouissif de découvrir toute une série de choses dont je pensais que c'était réservé aux archéologues du 19e siècle et que notre génération connaîtrait jamais ça. Tout commence au château de Capestan, dans l'Hérault, la résidence d'été des archevêques de Narbonne, lorsqu'on découvre un décor médiéval peint sur des planchettes entre les poutres du plafond. Il faut bien sûr les montrer, mais aussi les étudier pour tenter de comprendre ce qu'on a sous les yeux ou au-dessus de sa tête. Dans les derniers siècles du Moyen-Âge, les images profanes entrent dans les maisons. Cette mode perdure pendant un siècle avant de disparaître, pour laisser place à une autre, la Renaissance et ses décors à l'antique. Mais avant le retour des héros et des dieux mythologiques, les historiens qui témoignent dans ce documentaire, Monique Bourrin et Pierre-Olivier Dittmar, s'étonnent, s'émerveillent encore, sans trancher sur ce qu'ils ont sous les yeux. Pas facile d'expliquer qu'un évêque fasse peindre des scènes de guerre de fantassins sans apparat, ou la vie courtoise d'un couple se donnant ainsi pour spectacle, assis devant sa cheminée, le plus profane des amours. Ces peintures, elles nous apprennent qu'elles ont été faites sans doute sous le règne de Charles VIII ou Louis XII. On y voit un peu les goûts de l'époque, ce qu'étaient les canons de la beauté. Apparemment, il y a beaucoup de personnes jeunes ici. Il n'y a pas trop de momeries. Alors les momeries, ce sont des petites plaisanteries de plus ou moins bon goût. Mais à cette époque-là, c'était même pas ni du mauvais ni du bon goût. C'était simplement une chose évidente parce que quand on lit Rabelais, à la limite, on voit les closoirs. Donc je pense qu'ils étaient des gens qui aimaient bien vivre. Ils sortaient de la guerre de 100 ans et ils n'étaient pas encore en guerre de religion. Donc ils étaient dans la joie et la bonne humeur. Chimiste, archéologue, historien, architecte des monuments historiques se relaie sur les échafaudages et s'interroge. Certaines images ont un rôle magique évident de protection, comme les lettres IHS du monogramme du Christ. D'autres sont moins inoffensives. Dans une chambre du presbytère de Lagrasse, Jean-Pierre Sarret, archéologue médiéviste, nous montre un décor de plafond étonnant, voire franchement incongru. Alors ici, je peux vous montrer les scènes les plus coquines que nous ayons dans l'étage, dans cette pièce qui était censément une chambre d'un des curés de Lagrasse. C'est des scènes où sont représentées 13 fois des prostituées en activité, si je puis dire, soit en train de se raser le pubis, soit en train de recevoir l'écho de sa prestation. Si les scènes peintes représentent à la fois le modèle et le contre-modèle pour exposer la morale du temps, ces plafonds peints sont aussi source de divertissement. On y découvre les canons de la beauté et les ressorts de l'humour de l'époque, un rire partagé lorsqu'on avait des invités. Les plans de Claude Delay sont généreux. On profite pleinement du bestiaire, des monstres, des scènes de guerre ou de scènes plus quotidiennes, des scènes grivoises aussi, nées de l'imaginaire, mais de l'imaginaire de qui exactement? La question demeure, quel sens donner à un décor intérieur, à la fois intime et social, à 5 siècles de distance? Monique Bourin expose son hypothèse. C'est une représentation de soi, c'est l'image qu'on veut donner de soi, de son entourage, aux gens qui vont pénétrer dans cet univers domestique, et c'est aussi l'image qu'on a envie de côtoyer quotidiennement. Donc il faut l'interpréter comme un sas de passage entre le goût privé et la présentation publique, sachant que c'est très difficile à distinguer à la période médiévale. L'analogie peut être un précieux outil de compréhension du réel des autres, avec les précautions requises. Pierre-Olivier Dittmar considère les plafonds peints du Moyen-Âge comme les parents lointains des réseaux sociaux de notre époque. L'enquête suit son cours pour éclairer l'histoire et la signification de ces images de l'ordinaire quotidien, mais il est désormais tout à fait conseillé de fixer les plafonds. Oui, merci Anaïs. Maintenant, je lève le nez pour scruter le plafond et je vois des tas de choses. Tiens, là, il y a une qui coûte. Merci beaucoup. On retrouve tous les liens, les informations utiles et les livres à lire pour poursuivre cette histoire de plafond peint du Moyen-Âge. C'est sur la page du Journal de l'Histoire, franceculture.fr.